Alors c'est quoi que j'appelle? La la. Ce qui ne va pas, car je mets autant de draps sur toi. C'est bien sûr que la vie est ailleurs. Et voilà, ouais, j'ai une dilatation de la gorge. C'est pas très bon en début d'émission. On m'a dit que si ça continue comme ça, on pourra pas aller plus loin. Il y a la pupille aussi qui dilate. Il y a la corde vocale qui se dilate. Il y a la peau qui dit des affaires. Et mon cheveu qui rit. Il ridiculise tout mon être. Mon être. Non, pas monnaie. Le peintre, j'en ai rien à monnayer. comprends-moi. Monnaie. Non, c'est pas le change. Monet, le peintre Monet. Eh, monsieur. J'ai rien à monnayer. Monet, non. Comprends pas? Concentre-toi, là. Ça dure juste 2 heures. J'ai dit juste 2 heures. même encore un peu moins, là. Le générique est passé. Ça a 32 minutes, le générique. Bientôt 1h15. L'émission ne durera que 15 minutes. Tout est dans le générique. T'as jamais rien compris. Bravo, on continue comme ça. Bonsoir, les gars, les filles. Et les autres, là. Troisième sexe. Marguerite, pas Duras, là. Yoursonard. On va travailler sur le sujet. C'est Beauvoir. Non, c'est Marguerite. Excusez-moi, Madame de Beauvoir. Madame de Beauvoir. Non. Parce que vous savez, tout est dans mon cerveau. Les encyclopédies. Fait que là, j'ai tiré, pas avec un fusil, mais avec les doigts, j'ai tiré le mauvais bouquin. Surtout, je tiens à souligner que Chloé et Jasmine n'ont pas placé les livres à la bonne place. Ils ont tout foutu, là! Foutu. C'est pas beau, hein? Le merde, non. J'allais dire, c'est... Ouais, le merde foutre. Non, c'est pas très beau. Ils ont placé là... Hein? Non, c'est pas... Oui, c'est... on appelle ça un cerveau qui fonctionne, là, hein? Ouais, mais en fait, qui tente de fonctionner, puis... Hey, toi, là, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant, mais viens pas... revendiquer toute ton indépendance avec une petite voix déjà préparée, là, oui. Allumez, oui. Facile à dire, toi, là, hein? Ah, ouais, vas-y. Allumez, oui, hein? Tu peux pas te tromper, toi, c'est sûr, vas-y. Allumez, c'est enregistré. Allumez, oui, allume-toi. Je te dis une affaire, que si les piles te manquent, là, c'est fini, toi. Y a plus rien, là. T'as même pas de mémoire là-dedans, toi, là. Dans le magnéto, là, plus de piles, il n'y a plus. Aucune consonance de ton intelligence, mon ami. Aucune puce. Aucune matière grise là-dedans. Oui, vas-y encore, tiens. Ben oui. On essaie-tu d'allumer, nous, là? Qu'est-ce qu'on... Crois-tu... Que crois-tu? Non, excusez-moi, j'ai vécu pendant 30 secondes à l'époque où j'étais au stade. Comment? Non, pas embryonnaire quand même. Non, un peu plus. Moi, je suis sorti un jour. Ah oui. Ça a pris 10 mois, là, mais je suis sorti. Ah ben non, pas de prison, madame. Le frère, ouais, drôle. Le vent de bébé. 10 mois. J'étais à l'intérieur peut-être. Oh, t'étais bien chauffé, éclairé, hein? Oh, j'en ai déjà parlé. J'aime ça. Ça me réconforte. Ça me rend là, dans une chaleur et dans un conformisme des plus élégants. Des plus élégants. C'est la liaison. Il y en a qui ont fait leur carrière en liant comme ça des mots qui n'avaient pas de sens, là. Mais dans tout sens, il y en a un. Et dans tout non-sens, il y en a un aussi. C'est pas parce que tu comprends pas qu'il n'y en a pas. Manque de connaissances, ça, là. Les fils se touchent pas, là. Bon. Alors, bonsoir, les gars et les filles et les autres. Troisième sexe. Hein? C'est qui a écrit ça? Hein? Qui? Simone de Beauvoir! Monsieur le Président. Monsieur le patron catholique. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité. Allez, parce que j'aimerais que des gens de la radio me découvrent comme peut-être annonceur, nouvelliste, un homme greffé à l'actualité. Je peux prendre la pause, vous allez voir, je suis excellent, puis il n'y aura pas de personnage. Je suis pas très chérant, moi, là. Salaire moins que minimum, cerveau presque jamais allumé. Coûte pas cher d'électricité, ça, là. Puis visuellement, je suis tout à fait neutre, donc c'est intéressant quand c'est à la radio, hein. Mais ma voix... attendez, je vais prendre la voix... L'histoire finement improvisée. Ah, c'est bon, hein? On sent déjà le... C'est quoi, ça? Ça, c'est la rute. La chute? Non, peut-être la chute. À déchets. Oh, quelle horreur, toi, là. Non, c'est... on peut... Allume. Oui. pipon, pipon, pipon. En pleine nuit, une sirène appelle tous les pompiers. Et tout Rio qui serait... Rio. Rio, Rio. Pas Geneviève Rio. Rio, Rio, Rio, Rio, Rio. Oli, aussi, oli, oula. Oli, aussi, oli, oh, ah, ah, ah, ah. Oli aussi, à l'histoire finement improvisée avec vous, ben avec moi, là, mais grâce à vous, votre magicien du... ça fait longtemps que j'ai pas dit celle-là, je viens de le découvrir, oh mon dos! Merci, j'embrasse la feuille. C'est une connexion, là, naguère. En 2012, je l'avais déjà balancé, là. Votre magicien du surréalisme, Reynald, entre guillemets, le néant, fermez les guillemets, gagné. À comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. J'étais caché dans la forêt avec Gaétan, la femme à poil, le gros poil de Denis Long. Les jambes étaient... Tu grimpais là-dessus pour voir à l'horizon. Parce qu'elle elle mesurait beaucoup de centimètres de trop pour une femme. Ah, elle en faisait 6 en une. Que je l'utilisais pour moi m'agripper et monter sur la cime de sa tête, histoire de voir au-dessus d'elle si nous étions suivis par des amis imaginaires. Elle me disait, envoies-tu? Ben, j'envoie quoi, moi, là? Veux-tu que j'envoie des mots d'amour? Veux-tu que j'envoie des... Des SOS? Veux-tu que j'envoie des étoiles filantes? Veux-tu que j'envoie des comment tu les appelles? Des voies lactées? C'est pas lactées? Lactées? L'année? 2013? Je voudrais une année charnière! Ça, je dis ça chaque année, charnière, parce que je me souhaite, non pas d'aller vivre à Charny. Pas de voiture, moi, je reviendrai pas. Je sais, tout le monde aimerait ça que je parte là-bas, moi, là. S'il s'en va, il reviendra. Il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a rien, il va rester là, il va mourir. Hein, t'es malade, toi? T'acharner. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même pas haute vitesse là-bas. Oh, va-t'en, va-t'en, va-t'en. C'est gentil, hein? Début d'année, là, vraiment, vous êtes ultra, ultra, ultra amical. On va se souvenir, moi. Hey, toi, là, on va te faire allumer, puis toi... Ah oui, hey, ça serait bien ce que... Ce personnage-là, là, on va le placer en bas. Juste en bas. Ben non, parce que si tu le places dans le noyau, ça va exploser. Juste en bas d'un feu d'artifice, ça fait en dessous de l'orifice, qui va faire brûler le feu d'artifice. Il va monter dans le ciel, il va faire exploser. Puis là, lui, en haut, il va dire « allume, allume ». Là, le feu va dire « hey, tu peux pas être plus allumé que ça, moi, là, hein? J'ai pas su que tu peux allumer, regarde les couleurs, ting, ting, ting, ting. Hey, monsieur, il est plus allumé, lui, là. » Une crise d'ammoniaque, oui. Ça fait pleurer des sinus, hein? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant, nous, c'est comme le vinaigre. 2 onces de vinaigre dans pas de dos, 3 de dos. Mais immédiatement, ça remet son Québécois dans l'abat-jour. Eh, monsieur, ça ferme un peu la console. Pis ça donne un son tout à fait introspectif. Ça fait... L'intérieur fond tranquillement. C'est de l'acide directement dans les parois intérieures. Ça fait pas juste fondre la graisse. Tu t'entends goutte à goutte ta matière grise qui s'en va dans le fond. Poum! Tu dis, hey, j'en ai déjà pas beaucoup. Pong! Pong! Je vais être bon pour une autre année d'errance canadienne. Pong! Ça, c'est la matière grise qui coule. Pong! Pong! Là, ça remplit des cuves de. Pong! Pong! Ah ouais, on dit, ah ouais, la canisse remplie. Pong! Pong! L'absurde aventure de l'errance canadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre. Hein? Diégétique. Merci beaucoup. Votre itinérant engagé, moi-même. Aujourd'hui, le vendredi 4 janvier, j'ai un rayon de soleil. Je te présente l'enfance. mon rayon de soleil pour la nuit, à la saveur de fièvre et de rosée. Hey, Victoria, c'est un rayon de soleil. Oh, je vais vous raconter un peu. Relatons l'histoire. Ah, un jour, le vendredi 4 janvier 2013, l'errance rénaldienne se trouva... Non, il faut le faire selon la norme, OK. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous, nous emplumer... Oh! Voici ma poule. Arrête-moi ça, toi, ça me fait pas... Ah non, ça me remémore la dinde. Alors, confions la boussole au gestionnaire de zone d'entraînement. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Victoria Bedos. Là, je suis sûr qu'elle sursaute actuellement. Là. Ben oui. Elle se dit, je ne suis pas qu'une simple artiste. Non, tu as raison. Artiste multidisciplinaire, mais je vais le relater plus loin en bas là, de la nomenclature. Ne t'en fais pas. Au pire, actionne-moi, puis nous irons en cours. Mais pas d'école. Ah, pas à l'école. Cours d'école. On joue à la Marielle. Arrête. Victoria Bedos, née en 83. Pas en 1800, là. Elle s'égrène lentement. Non, 1983. Est une journaliste. Au Québec, on n'est pas des journalistes. On est des journalistes. On la lit, la nouvelle, nous. On la régurgite. On l'intègre dans notre... On y va. Puis on l'écrit à notre façon. Nous sommes des intellectuels, nous, les journalistes. On écrit pour le peuple, pour être compris par le peuple, pour qu'ils comprennent toute la complexité de la société dans laquelle on vit, on patauge. On tente de se sortir la tête en disant « J'ai pas compris, là, ils nous escrotés de combien de millions de dollars, là? » Combien de temps on va payer? On s'est fait avoir. Avoir. C'est avoir qu'il nous faut. Alors, Madame Bedos est née en 1983, bien sûr. Et tu ne dis quoi que... Oui, c'est pas si... Alors, faites votre calcul mentalement. Hein? Bon. 1983? 2013? Oh! Nous allons arrondir avec elle, hein? 8, 9, 10, 11. Ah, c'est 30 ans, c'est merveilleux. C'est à 30 ans que les femmes sont belles, que les belles sont femmes, que les femmes sont belles. C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant, elles sont jolies après. Ça dépend d'elles. Alors, est une journaliste, dramaturge et scénariste française. C'est la fille de Guy Bedos et de Joël Bercotte. Bercot, excusez-moi, Madame Bercot. J'ai massacré, là. Oui, pour vous, je me frapperai en direct. À quel endroit vous me... Pas sur la... Ah oui, vous êtes sérieuse? Attendez. Aïe, ça fait mal. Voilà. Excusez-moi, Madame Bercot. Aïe. Victoria a été journaliste au Télésynopse. Ça, c'est le supplément. C'est le plus aimant du Nouvel Observateur ou du Nouvel Obs, comme on dit dans le milieu. Elle a été aux Incorruptibles ainsi que dans les magazines féminins Glamour. L'artiste enchaîne les projets. Journaliste, scénariste, chroniqueuse, écrivaine. Elle a sorti son premier ouvrage « Le Béni » chez Plon en 2003. Et chanteuse, elle fait partie du groupe Vicky Banjo, que nous allons entendre dans quelques minutes. Son nouveau défi en 2012, là, à la fin 2012, c'est de faire de l'animation télé. Donc, nous pouvons la voir, faire son gym. Et son émission s'appelle Gym Queen. Le concept, c'est très simple. Comment faire de la gym au quotidien, où que l'on soit? Alors là, moi, j'ai un micro. Je vais tenter si vous me voyez à la télé, malheureusement pour vous, faire mon exercice. Attendez. Avec, en fait, c'est au niveau de la prononciation, des articulations. A-E-I-O-U-A-E-I-O-U-A-E. Bon, mon exercice, hein? A-I-O-U. C'est bon, hein? Faut que la bouche prenne une certaine aisance. Faut que l'élasticité de mon visage suit le côté égaré de mon regard. C'est merveilleux. Alors donc, en juillet 2012, Érance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste multidisciplinaire. C'est là que j'ai couché artiste multidisciplinaire Victoria. Je l'ai couché là. Je l'ai couché là, là, en dansant le ya, ha, ha, ha, ha, ha. J'ai dit, mon petit chat, veux-tu danser avec moi? Ha, ha. Alors, multidisciplinaire, baisse la pitoune, oui. Aussi pétillante, ça c'est moi qui l'ai écrit, ça. Aussi, ben le reste aussi, là. Aussi pétillante que des bulles de champagne. Ça c'est Victoria, là. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui! Toi, tu connais-tu la parler populaire? Qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires? Ce n'est pas une langue chantier! C'est la langue des chats pis des chantiers! Moi, je parle comme je l'ai appris! Je parle comme mes voisins quand j'étais petit! C'est pas du français international! Moi, ce que je parle, c'est le choix! C'est bon le choix! C'est sa coche! C'est bon le choix! Astique sa torche! C'est bon le choix! C'est malade mental! Fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal! Hey man, t'aurais-tu une smoke? Mais pas trop quand même, on est pas des blocs! On est pas des blocs! C'est bon le choix! Ça garoche! C'est bon le choix! Ça clenche en masse! C'est bon le choix! Ça verse dans le dash! Fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal! C'est bon le choix! On va ouais, on va ouais! C'est bon le choix! Et si tu veux la guerre! C'est bon le choix! C'est faux. Non, mais c'est pas grave, okay. Je voulais pas te... Non. Je voulais pas te faire attendre trop longtemps, j'avais un ordi, enfin tout va bien. Non, mais un taxi, ça coûte un bras. Ouais, mais là, je dépense tout mon argent dans le taxi. J'ai peur du métro aux heures de pointe. Je veux que ça... Ben, à cette heure-là, c'est l'heure de pointe. Bah, il y a encore plein de gens. Ah ouais? J'aime bien les bus, et là, je trouvais pas de bus. Ok. Voilà. Ah, mais on aurait pu aller ailleurs, hein, t'aurais pu me... C'est pas grave. Ok. Tout va bien. Okay. Ça ne me dérange pas. Ça va? Oui, toi. Et désolée hein, pour le. J'étais comme c'était un dimanche, je me suis dit, non, ça doit être lundi. Ok. Donc j'étais restée sur le lundi. Bah, y a pas de problème. Et voilà, j'ai complètement. Non, il n'y a aucun problème. Puis, lorsque tu m'as répondu, tu as dit banco. Donc je ne savais pas si c'était une blague ou. Parce ah non, non, non. Fois... Ah okay. Oui, d'accord, non, je trouvais ça, bah, c'était très bien. Ok, bah écoute, enchanté de te rencontrer. Bah oui, moi aussi. Après autant de de travail. De travail juste pour se voir. C'est ça, pour le rendez-vous. As-tu froid? Préfères-tu l'intérieur? Ou... Ah non, c'est très bien. Ok, bon, ouais, mais là, t'es rock'n'roll. Non, mais c'est parce que je me réveille, donc je suis un peu... Ok, ok. Ça va. Tu as une formation, ben t'es née à Paris? Je suis née à Neuilly-sur-Seine. Ok. En banlieue? En banlieue, ce qu'on appelle la banlieue très dure, hein, Neuilly-sur-Seine. Oui, un peu en bourgeoise. Ouais. Ok. Et ta formation a été... Alors au départ, moi j'ai fait des études, j'ai fait Hippocagne, après j'ai fait des études d'histoire, enfin ce qui n'a rien à voir quoi. Après j'ai fait du documentaire pour la musique classique. Ok. La musique classique? Ouais, j'étais dingue de musique classique. Bonjour. Je vais vous prendre un jus de fruits, s'il vous plaît. Ah oui. Merci. Encore aujourd'hui? Non. Non ça, bah, ah oui, j'adore la musique classique, mais okay. Je travaille plus. Non, mais tu en écoutes. Vous avez quoi? Orange, fraise, mangue, ananas. Ah ouais, c'est extraordinaire. Mousse, banane. Vous en demandez pas tant, mais alors là. Une orange pressée, c'est possible? Voilà. Voilà, avec des glaçons et une paille. Eh ben d'accord, c'est comme merci. Ça. Merci. Ah bah c'est super. Voilà. À la manière Victoria. Ouais, je pensais que c'était hyper original, mais pas du tout, enfin bon. Est-ce que tu viens souvent ici dans le quartier? Non, alors, je viens pas ici, je viens à Pigalle. Parce que, ah oui, mais c'est en bas. C'est juste à côté. Et en fait, parce que je travaille avec... J'ai un duo de musique. Oui. Ah, tu as mis un CD? Un groupe. Ah non, j'ai pas. Ah, ok. Non, mais je peux envoyer par mail, en oui, revanche. Ok, ok. J'ai un WeTransfer. Ok, c'est un site officiel où je peux télécharger ouais, des trucs. Ça, okay. ça te va ou pas? Oui, merveilleux. Super, bon, okay. Voilà, j'ai ça. Et en fait, il a son studio de musique à Pigalle. Ok. C'est vraiment mon quartier, je traîne là-bas tout le temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues d'un instrument et non, tu chantes? Non, je chante et j'écris les textes. Ok, mais là, on va revenir à la musique classique. Okay. Et donc, musique classique, j'ai interviewé des Boulez, Rostropovitch, Dutilleux, donc c'était fascinant. Mais pour une jeune, le classique, c'est quand même assez rare. C'est pour... Bah oui, mais moi, j'ai fait ma crise d'ado sur le classique, en fait. C'est qui en écoutait à la maison? Bah un peu, mais c'est vraiment moi qui ai eu... En fait, après avoir regardé le film Amadeus à 13 ans, ah oui. J'ai eu une obsession sur Mozart, ce qui m'a amenée vers la musique classique en général. Okay. Mais j'étais fascinée par ce personnage, et je regarde assez régulièrement. Alors c'est le personnage qui t'a amené à la musique oui, classique? Oui, c'est le film en fait qui m'a amenée à la musique. Okay. Je pense que ça est arrivé chez pas mal de personnes, ce film m'a amenée à la musique classique, tant mieux. Hein. Et du coup, j'allais écouter des requiems dans les églises. Enfin, mes parents pensaient que j'étais complètement mystique, alors que pas du tout. J'aimais juste la musique classique. Dieu, j'en ai rien à foutre. Elle deviendra religieuse. Voilà, qu'avons-nous fait de cette fille? Je couche le premier soir, bizarre, je couche sans faire d'histoire à une pute, on me compare, on me traite de salope, de traînée, et pourtant quand un homme en fait autant, ça reste un don géant. J'aime faire l'amour sans détour, j'aime faire l'amour la nuit le jour. J'aime faire l'amour sans détour, j'aime faire l'amour la nuit le jour. Je ne suis pas une pétasse, mon corps rit, mon âme se lasse, alors les mâles passés dans mon lit, ils s'entassent. J'aimerais n'en avoir qu'un qui me fasse vibrer avec ses mains. J'aimerais n'en avoir qu'un, mais c'est mon destin. J'aime faire l'amour sans détour, j'aime faire l'amour la nuit le jour. J'aime faire l'amour sans détour, j'aime faire l'amour la nuit le jour. J'aime leur bouche qu'on me touche, j'aime leur peau qui prend d'assaut. C'est quand j'excite que j'existe, le sexe n'est pas sexiste. Ça ne veut pas dire qu'un jour je n'aurai pas fait le tour, qu'un jour je le rencontrerai, me marierai et tromperai. J'aime faire l'amour sans détour, j'aime faire l'amour la nuit le jour. J'aime faire l'amour sans détour, j'aime faire l'amour la nuit le jour. T'aimes faire l'amour. supermarché, j'en peux plus. En Somalie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on sème à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Toujours plus fort. Bonne émission, bonne musique. Même si ce que je fais, c'est en autarcie, en huis clos, dans un cercle fermé. Moi, c'est un petit pois. Je suis à l'intérieur d'un petit pois parce que je me sens comme un fêteux. Dans le ventre de... J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est ça. C'est à chaque fois remodeler une nouvelle forme, une nouvelle structure, une nouvelle composition pour lancer sur les ondes radiophoniques, mon art brut. Monsieur le juge, non, je n'ai frappé personne. Encore. J'ai poignardé personne. Encore. Je suis un honnête citoyen. Encore. Mais, non, c'est janvier. Janvier! Nous monte au nez comme la grippe, le froid, l'humidité. C'est humide. Mets tes combines, c'est humide. Grenal, mets tes combines, c'est humide. Monte pas tes... à personne, là. C'est l'hiver, il fait froid, c'est humide. Humide! Attends, on va l'appeler. Humide! Oh, oui. Humide! Humide? Oui, humide, ça va bien? Allô? Bon, t'as le bouton collé, mon humide? OK. Humide, le mois de janvier, comment ça, c'est comme ça? Ah oui, je ne sais même pas. Je suis sûr que c'est un unicellulaire. Es-tu sur ton unicellulaire? Ah, oui! OK. Moi, je suis mon sucé. Allô? Moi, je suis mon sucé. C'est bon, ouais, sucé. Non, suce-moi. Je suis mon unicellulaire. Non, je suis sur mon cellulaire. Puis toi, je suis ton unicellulaire. Ah, oui! Ben oui. Comment ça, on peut se parler? Y a-tu compatibilité? Je connais absolument rien dans les ondes, là, à part ces KRL 89.1, ça c'est l'onde que je peux fréquenter. Enfin, parce que j'ai ma carte. Je suis très heureux de faire partie du club. Club des gens intelligents. À l'ouverture sur le monde, sur la musique, sur la complexité de l'être. Et toi? Ben oui! Tu vires sur un vaisselle? Ben oui, sur un deux. Oui, ça va toi? Bon. Heureux de t'entendre, toi, là. C'est toi qui vas le faire lever l'émission, hein? Ben oui! Tu connais, j'allais dire Jacques Bukowski. Attends, on va le voir, comment ça? C'est un unicellulaire, c'est pas brillant, ça, là. Est-ce que tu connais Jacques Bukowski? Ben, mon innocent. C'est pas Jacques, c'est Charles. On l'a eu. Ça, c'est l'humidité qui parle, là, hein? C'est pas fort, ça, là, hein? Quand les gens me disent, c'est froid, hein? C'est humide. Ben oui, mais hey, calme-toi avec ça, là. Mets de la couche. Moi, je te conseille du lainage, du tricot. À la machine, c'est mieux, hein, tricot-machine. Oh, c'est bon, hey, ouais, les capteurs. Hein? Oui, oui, je suis en train de déraper, oui. Oui, c'est ça. Oui, on appelle ça un vacuum. Vacuum. Va, cu-cu-cu. Vacuum. Ah, Dieu, je l'appelle VVV. Ah, cu-cu-cu. Ici. On va partir. Êtes-vous prête? Madame Tremblay, attachez-vous en arrière de moi. Rita Toulouse, la belle Rita des ploufs. Non, fais pas plouf, elle fait tout le temps ça. C'est son grand regret. Attache-toi! Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se traîner par en arrière. Alors, on y va. On part pas, comment ça? C'est humide! Humide, on va voir le cas. Humide! Comment ça, on part pas? Le moteur est nettoyé. L'essence est sans eau et sans eau. Docteur No, connaissez-vous ça, les carburateurs, vous? Parce qu'on m'avait... j'ai changé ça m'a coûté 328,43$. On m'a dit, toi, t'es un numéro 1, tu fais de la radio, hein? Fais-moi de la publicité. J'ai changé ton carburateur, je t'ai fait un spécial. Ça vaut 100$, je peux savoir tes prix. Plus les frais de douane, manutention. Parce que j'ai 3-4 employés qui ont travaillé sur toi, là. Hein, c'est moi, j'ai rien senti, moi, là. Je vais vous actionner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé l'huile. Ben voyons, j'ai rien senti. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un trou dans mon... Non, de ta voiture, pas de toi, là. Ah, mon Dieu, OK. C'est... rien. C'est fou. Non, excusez-moi. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer, toi, hey, 3-4 mécaniciennes dans l'arrière, là. Ça, c'est l'avenir, là. Les filles, là, cherchez pas dans les secrétaires, là, hygiénistes dentaires, là, puis des emplois précaires, là. Montez! Intéressez-vous aux voitures. Devenez mécanicienne. Là, il y a des gars qui vont aller vous voir. Vous allez en faire de l'argent, là. Oh. Parce que les gens roses, là, tu sais, les gars qu'on a amenés comme ça à s'ouvrir, à parler de nous-mêmes, là, on connaît pas ça, les voitures, là. Et moi, je m'en suis acheté une il y a 2 semaines. Là, je pensais que c'était le volant. C'était un... J'essayais de maîtriser une des 4 roues. Là, ma copine est venue me voir. « Hey, Reynald! Arrête de t'enrubanner dans les œuvres de Durache, là! C'est pas un volant, ça! C'est une roue! faut que tu entres dans ton véhicule. Il y a une clé, il faut que tu démarres ton véhicule. Ah, ben voyons, moi, on l'a pas dit, moi, là. On dit, garde une voiture. Je l'ai acheté. Là, c'est rond, mais je me suis dit, c'est pas compliqué, ça, c'est un volant. Je me suis mis à quatre pattes, puis comme quand j'étais petit avec une petite boîte en carton, là. Oh, j'ai fait des voyages avec ça. Oh, je suis parti au Mexique. Oui, je vais le dire. Uruguay. C'est beau, Uruguay, hein? Oh. J'ai rencontré deux, trois Uruguayennes. C'est pas des Hawaïennes, les Uruguayennes, hein? Non, non, ça n'a pas du tout la même vision de la vie. Puis j'étais un peu déçu, moi, là. Parce que je m'étais préparé, j'avais lu tous les encyclopédies. J'ai eu des vendeurs d'encyclopédies, moi, plusieurs fois dans ma vie. J'en ai acheté des encyclopédies. Ah! Oh. Arnarchmania, Encyclopédia, Clamédia. Clamédia, c'est extrêmement intéressant, mais on se gratte souvent, hein? Eh, hey, mais il y a des tranches de vie là-dedans. Il y a du sang, c'est moi. Là, parce qu'on parle de la guerre, il y a beaucoup de sang dans Clamédia. Ah, oh, c'est ça. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin. Comment ça? Ça rit pas? Ça rit. Ouais? C'est pas important. Non? OK. Bye-bye. Au revoir. L'humidité, ça va bien, vous? Bon. Vous aimez ça, l'émission, jusqu'à présent? Ben oui, c'est unicellulaire, ça. Ça fonctionne sur le beat. Comme ça. Ting, ting, ting. Ça répond, là. 1, 1, 1, 1, 1. Tu fais 0, 0, 0. C'est numérique. C'est des 1 et des 0. Ça va pas jusqu'à 2. Pas capable. Pas capable. Ça vient de deux autres, les unicellulaires, le mot pas capable. Tu demandes à quelqu'un, là, un homme ou une femme dans la rue, fais-moi un nœud coulant. Pas capable. Ça, c'est un unicellulaire. Tu le laisses aller. Il va aller chercher son unicellulaire. Allô? Hey, j'ai payé un forfait avec mon unicellulaire, ça me coûte 350$, je vais appeler nulle part encore, là. Ça, c'est l'activation, monsieur. Activez-vous, puis diminuez-moi ça, ce montant-là, voilà, là. On est à le faire voir par la vie, moi, là. Mais je me fais activer constamment, ça me coûte un bras, puis à un moment donné, j'aurai plus de corps avec tout ça, là. Hey, j'ai juste deux bras, si ça me prend un bras pour ci, un bras pour ça. Moi, ça va faire avec quel bras si je vais vous balancer un bras d'honneur si j'en ai plus, moi, là, là? On va tirer la langue. Voilà. Là, ici, maintenant, OK, Charles Bukowski, on le sait. Laisse-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. La première phrase, parce qu'il faut que je respire un peu puis que je boive ma boîte à salive. Non, mais écoutez, vous le faites sans le dire. Moi, je le dis et je le fais. Quand vous allez à la messe le dimanche, on dit... Prenez-en tous ceci, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Bon, quand tu bois le vin, on te le dit, tu vas boire du vin, c'est le sang. Ça, c'est une métaphore, là. Vincent, là, Vincent. Allô, c'est moi, Vincent? Non, c'est pas toi, Vincent, là. C'est le vin et le sang. C'est pas le nom de quelqu'un, c'est pas le prénom de quelqu'un, ça, là. Bon, alors, la phrase de Bukowski, c'est Henri. Tu parles trop vite. Relaxe-toi la mâchoire. Descends ta langue vers le haut. Oh, oh! Descends ta langue. Oui, si je suis sur la tête, attendez. Oui, là, je descends ma langue vers le haut. Quand les gens vivront d'amour. Il y aura plus de misère. Et quand le sang... Hein? Et commenceront les beaux jours en 2013. J'espère que nous serons mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons pris une mauvaise partie. Il a neigé à Port-au-Prince. Et tout à coup, à Chamonix. On passe au lac et la Garonne. Le ciel est bien beau à Paris. Et bien beau, bien beau, bien beau. La suite. Henri, ça c'est la phrase de Bukowski, là. Henri, les gens. Henri, cela l'oreiller dans son dos et attendit. Hein? Henri, sella l'oreiller dans son dos et attendit. Hein? Henri, j'ai mal écrit là, c'est ici. Oh, Henri, l'oreiller dans son dos et attendit. Jeta, Henri, metta l'oreiller dans son dos et attendit. Attendez, là, pendant... Ça se fait en direct, la compréhension, là. Non, mais qu'est-ce que je peux mettre à la place de Henri? Il y en a pas... Parce que là, si je lis, c'est Henri cela l'oreiller dans son dos, il attendit. Mais je crois qu'on pourrait enlever cela par Meta. Henri metta l'oreiller dans son dos et attendit. C'est ça qu'on va faire. Là, donc, on doit expliquer aux gens que nous paraphrasons la nouvelle... La première phrase de la nouvelle de Bukowski, parce que je ne peux pas lire mon deuxième mot. Premier mot, troisième mot. Alors, c'est au lieu de cela, c'est Henri Meta. Meta Garbo était monté un soir. Maintenant, c'est Greta. Alors là, il faut s'inspirer de ça avant de placer la musique, là, parce qu'on a déjà débordé. On déborde. Là, le feu est à 350. On va faire une explosion, puis ça risque de se terminer là. On y va très rapidement avec une impro. Henri metta l'oreiller dans son dos et attendit. Qu'est-ce qui se passe? Hey, ça fait 3h15 que j'arrive pas à dormir. Là, avant de me remettre à lire, je me suis relaté cette vision que Victoria Bedos m'avait enseigné lorsqu'elle... Ben, elle donne encore des cours de gymnastique. Elle dit, si vous n'arrivez pas à dormir, là, j'essaie de comprendre ce qu'elle a dit, là, parce que ça fait longtemps, puis j'étais entre vagues et démons. Comment ça, entre vagues et démons? Ben oui, parce que je dormais pas, j'étais pas réveillé, j'avais les yeux pas ouverts, pas fermés, je respirais pas. J'avais le hockey. J'étais en tumulte. Puis là, je regarde la télé. Puis Victoria me dit, « Reynald! » Bien, voyons donc, c'est moi ça. Bien, comment ça? Puis elle parlait pas de Reynald Gagné, là, mais de Reynald Hanrinching, le grand peintre. C'est quoi, le grand pingre? Oui, c'est un pingre, là, qui marche dans les eaux. Pas sur les eaux, mais dans les eaux. Et divertit le singe, le wawaron inquiet. Ben, wawaron, c'est pas un singe, ça, là. C'est une genre de grenouille. Ben oui, mais là, moi, pour elle, c'était un singe. Puis pour moi aussi, c'est un singe. Quand elle m'a vu, elle m'a dit « Bonjour, mon Reynald, le singe. » Le singe, non, on voulait dire l'être étrange venu d'ailleurs, là. C'est un singe, ça, là. Non, c'est un extraterrestre singe. Oh! Alors, elle m'avait enseigné dans son cours de gymnastique, là, si j'arrive pas à dormir, placé, assis, formation assise, œil dilaté, bouche entrebâillée. Qu'est-ce que c'est ça? Entrebâillée, OK? Pas baillée, mais entre. Entrebâillée, OK? Et je suis prêt à la réception. Prêt à la réception. À recevoir quoi, je ne sais pas, là. Mais peut-être les vibrations... de la somnolence. OK, comme ça. Et je vais là, respirer, retenir après. Pendant 30 secondes. Puis expirer. Là, tout d'un coup, j'ai comme eu des petites étoiles. Est-ce que c'est le sommeil qui m'amène vers l'au-delà? Là, j'ai vu en haut, dans un ciel imaginaire, Victoria qui me faisait le signe, qui hochait la tête. En faisant ouais. Elle disait pas ouais, mais elle hochait. Je dis, oh, alors il est temps. Je me suis allongé sur mes yeux, enlever les lunettes, enlever la prothèse dentaire, l'œil de vitre, enlever mon pyjama, me mettre comme flambant, là. Flambant qui? Flambant. Flambant Lulu. Et Lulu, ça va bien, Lulu? Enfant de l'amour. OK. pour les gens qui connaissent. C'est on se marre, hein, pour les autres, hein, qu'est-ce qu'il fait là? Et donc, je me suis endormi comme un poisson en avril. Et le titre de la phrase de Bukowski, c'est « La danse de la chienne blanche ». Il est 20h plus fort que moi. La nuit m'effleure, il faut que je boive. Il est 20h, j'en ai besoin. Le jour se meurt, mon verre de vin. Je suis alcoolique et c'est magique. Je ne me sens pas bien sans mon verre de vin. Je suis alcoolique et c'est magique. Je ne me sens pas bien. Rum, rum, rum et Coca-Cola. Qu'est-ce que t'es belle, une autre bière. Je crois que je t'aime, une petite dernière. Tu ressembles à rien, mais t'as l'air chouette. Oh, je me sens bien, je crois que je suis pompette. Je suis alcoolique et c'est magique. Je ne me sens pas bien sans mon verre de vin. Je suis alcoolique et c'est magique. Je me sens pas bien sans mon verre de vin. J'ai envie de toi. Je comprends pas. J'adore ton corps. Ok, d'accord, on est au lit. Le cœur qui fuit. La tête qui tourne. Je vomis sur lui. On tente le coup, on se parle de nous. On trouve ça fou, on boit un coup. On peut tenter de se sevrer. On peut s'aimer et être heureux. Au jukebar. Un mojito qu'on se partagé. À l'Hôtel du Nord. Attends, à l'Hôtel du Nord, ouais. Trois picombières. Oh, le mansard. On s'est fait 9 shots, cul sec, direct. Et après, on a fini aux ensoucis, c'est ouais, ça, non? Ouais, on a mal fini. Une bonne bouteille de saumure champigny. C'est magique, je ne me sens pas bien sans mon verre de vin. Rum, rum, rum et Coca-Cola. On est alcoolique et c'est magique. On ne se sent pas bien sans notre verre de vin. On est alcoolique et c'est magique. On se sent pas bien sans notre verre de vin. Comment tu fais de cette fille? J'étais l'inverse des ados qui écoutent du hard rock. Moi, c'était vraiment au contraire, je voulais une sorte de paix intérieure que la musique classique m'apportait. Pourquoi? Parce que dans ta jeunesse, c'était un peu plus. Bah, si j'avais un frère assez rock, donc moi j'étais très calme. Posé. En fait, voilà. Et tes parents te surveillaient en disant, il me semble que cette fille-là est pas. Oui, ils me trouvaient triste. Ok, oui. Alors que je l'étais pas, c'est mélancolique. Juste que oui, voilà. Okay. C'est drôle, mais c'est vraiment une adolescence inversée en fait. Oui. J'étais très adulte, très mature. Aujourd'hui, tu vis ton adolescence. Exactement. Moi, t'es que rock'n'roll. Vers 25 ans, j'ai tout craqué et c'est là où j'ai commencé à faire du rock moi-même en fait. Okay. Oh, oui. Et après, j'ai fait ces documentaires pendant à peu près 2 ans et demi. Ensuite, je me suis mise à écrire. Mm-hmm. Oui, un bouquin. Et avant ça, j'ai été embauchée, j'ai fait un casting d'auteur, j'ai travaillé pour une émission, pas une émission, une série sur Canal qui s'appelait Confidence, qui était sur le sexe. Et donc, je pensais avoir été embauchée pour écrire du porno, j'étais très gênée, alors que pas du tout. Non, mais quel intérêt pour Merci. Une jeune fille de s'intéresser C'était drôle. C'était drôle. Ok, c'était par le biais de l'humour. Ah oui, complètement, c'était très humoristique. Okay. Ça s'appelait Confidence, c'était plusieurs acteurs assez connus qui parlaient, qui avaient des sujets de sexualité. Enfin, c'était c'était très drôle. Ouvertement, les gens se racontaient. C'était assez amusant, un format assez original et tout ça, donc ça, j'ai fait ça. Okay. Donc après, j'ai écrit pas mal pour la télé, j'étais dialoguiste. Pour gagner ma croûte, quoi, mais pas des choses passionnantes. Mais tu as une formation en littérature, en pas création littéraire. Pas du tout. Ok. Non. Mais tu l'as appris comment, sur le tas? Sur le tas. Après, je viens d'une famille où on écrit, hein, donc. Donc en fait, je pense que c'est un média qui m'a été assez facilement. Retransmis. Ouais. Ok. Et après j'ai écrit ce livre, ouais. Le déni, et maintenant je. Hier matin, je montais chez vous. Et après, je me déconcentre très rapidement. Okay, c'est bien. J'ai un problème de. Il n'y a aucun problème. Je sais quand je suis dans la rue, je suis comme ça. Surtout, c'est un endroit pour ça. je peux suivre une conversation et partir avec les femmes. Ok, ben vas-y. Et donc, alors, et après, j'ai écrit. Maintenant, j'écris pour le cinéma. Je viens de terminer. Ah, mon livre, Le Déni, oui. Alors, je l'ai écrit en 2007, donc ça date un peu, ça fait 5 ans maintenant. Ça a été. Mais j'ai pas réécrit de livre après. C'est... Mais pourquoi un livre à cet âge si. Mais j'étais une enfant adulte. C'est-à-dire que j'ai sauté une classe, j'étais ce qu'on appelle un enfant précoce. Donc, par excellence, j'étais un peu décalée par rapport à ma génération. Je fréquente maintenant encore des gens qui ont au moins 10 ans de plus que moi. Et du coup, ça a un peu décalé les sujets, en fait. Mm-hmm. Parce que c'est le sujet du déni est un sujet qui m'a intéressé assez tôt, alors que normalement, on s'y intéresse avec un peu plus de sagesse et de maturité. Mm-hmm. Et surtout, c'est parce que j'ai une fille dans mon entourage qui a fait un déni de grossesse. Ok. Elle avait à 16 ans. Et elle a 7 ans de moins que moi. C'est le premier bébé que j'ai tenu dans mes bras, elle. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé le processus fascinant. Le sujet intéressant. Ah ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé sur le principe du déni, mais dans plusieurs situations. Okay. Voilà. Donc, c'est une sorte de variation autour du même thème. Du déni. Okay. Donc, un déni d'identité, un déni de province, un déni de grossesse, un déni politique. Enfin, j'ai travaillé tous les dénis possibles. C'est-à-dire, on refuse une réalité qui est traumatisante. Ouais. Et après ça... j'ai commencé à écrire des chansons. Ok. Après, pour toi ? En fait, au départ, le format de la chanson m'intéressait parce que c'était plus court, donc c'était moins chiant. Ouais, ouais. C'est comme une nouvelle, c'est un encore truc plus de feignasse, quoi. Ça dépend. Il y en a qui en font des œuvres. Oui, puis c'est. Alors tout d'un coup, il y avait pour moi une recherche de simplicité. Ok. Parce que dans la littérature, on peut se regarder un peu écrire. Mm. Et j'essayais le plus possible de trouver l'authenticité, le côté un peu simple et paysan dans l'écriture. Et je trouve que la chanson ne souffre pas de choses tarabiscotées, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller droit au but. C'est direct. Et c'est ça que j'aimais bien, donc j'ai essayé de voir si je sais. En français. En français. Le sauveur portant sa croix vers la colline. Check le loser qui traîne son vieux Fender tout en ruine. Camarade, ce déchet humain, c'est ce qu'on appelle un musicien. Être de bruit, d'incertitude et de misère. Toute la semaine au milieu de l'eau, cause insalubre. Ces malheureux doivent trinquer leurs amplis à tube. C'est pourquoi les oreilles d'un musicien s'ileront à jamais. Il ne connaît trop plus jamais le doux silence. Ils empilent les uns sur les autres, ils font de la route dans des trocs loués chez les garés. Ouh, virote, leur sac plein de linge qui pue, la pierre et la sueur, ça les tue. Dans ces camions nauséabonds, ils ont mal au cœur. Leur show commence, tout le monde se pousse la piste de danse. Les spots d'en face, les pauvres artistes cuisent sur place. Et ils s'entendent à peine chanter, ils crient comme des porcs égorgés devant une foule indifférente. Abonne-toi, grosse! Oh! Abonne-toi, grosse! À fin du show, c'est pas le repos qui les attend. Faut serrer le stock, remplir le troc, collecter l'argent. Mais le gérant peut pas les payer, y'avait moins de monde, qu'est-ce qu'on tire? Le pauvre Tipit, c'est la faillite qui le menace. Après l'ossile tombe, leur faut bien rendre. Prêt à l'hôtel, mais souvent nous, plusieurs groupies leur collent aux semelles. Les artistes dans ces circonstances mettent leur santé chancelante dans la balance. Faut-il être dévoué pour oser braver tant de fermes? Allez! Pousser des caisses pesantes et sales dans la poussière. Perdre l'ouïer, rouler des fils gluants de pierre. Les gueules de bois, les champignons et cent mille autres vexations. Leur vie n'est qu'un long sentier brun et sans lumière. Oh! Mieux vaut travailler à la morgue, à shop ou d'un stand, à hot dog. Être musicien, quelle vie de merde, Dieu vous en garde. Dans les magazines, à la télé, dans les vitrines, le sexe. Dans l'aventure et dans la routine, le sexe, le sexe. Dans la fraternité, la guerre, dans tout. Dans les cavernes et dans les livres, le sexe, le sexe. Tu sais ce que notre corps subit quand on fait l'amour? Les pupilles se dilatent, les artères se contractent, la température augmente, le cœur s'emballe, la pression artérielle crève le plafond. La respiration s'accélère et devient haletante. Le cerveau envoie des impulsions électriques dans tous les sens et les sécrétions jaillissent de toutes les glandes et les muscles se tordent. Chez les riches, chez les animaux et les débiles, le sexe. À la campagne et à la ville, le sexe, le sexe. Dans la folie, dans la déprime, dans les Lucille, dis-moi pourquoi tu bibilles, Lucille. Merci à Kate Kouana. Kouana. Kate Kouana. Chanteur québécois. Que j'adore. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Toute ma vie. Tout. Ma vie se cache là. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, merveilleux, hein? Oh, c'est la page blanche. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Je devais écrire un mot. Ou un verbe. Alors, c'est plaisir! Ben là, j'ai plaisir ou bombe. Un des deux. Attendez. On va faire un truc au hasard. Comme c'est de l'impro, premier, je choisis. C'est quoi donc? Un, deux, trois. Ma petite vache à mal aux pattes tirons loin. Ma petite vache à mal aux pattes tirons-la par la queue. Elle sera bien mieux. Alors, c'est bombe. Nous, on fabrique des bombes. Hey, les bombes, c'est quelque chose d'assez provocant. Ça marche dans les rues. Ça te regarde pas. Toi, tu leur fais des clins d'œil. Moi, ça, c'est mes clins d'œil, ça, madame. Oui, moi, c'est mes clins d'œil. Puis quand j'en vois une, je dis, mademoiselle, c'est Rénal. Oui, oui, attendez-vous là. Rénal Gagné. Ouais, ben oui, est-ce que vous le connaissez? Non. Madame, Rénal Gagné, est-ce que vous le connaissez? Non. Ben oui, non, il fait une émission de radio. Non. Ben oui, vous connaissez la radio communautaire? Non. OK, vous la radio, madame, vous savez ce que c'est? Non. Bon. On est devant... une femme qui connaît tout, qui sait tout. Vous, rien vous échappe, hein? Non. Oui. C'est ça. Est-ce que vous... Attendez, c'est là que ça se passe. Est-ce que vous pouvez me dire comment on arrive à se dire tout le temps que l'on s'aime? Non. Non, hein? Deuxième question, madame, pour vous sauver un peu du ridicule, parce qu'on sait que le ridicule peut tuer ici ce soir. Cette nuit, là, quand même, 1h13 du matin, c'est la nuit. Et moi, c'est pas parce que j'ai mon bonnet de nuit que c'est la nuit, j'ai mon bonnet de jour parce que c'est la nuit, et j'ai mon... Ça va bien? Bon, ben, monsieur, il est court-circuit, lui. Est-ce qu'on peut appeler l'urgence? L'urgence, as-tu le numéro? Parce que, oh, il court-circuite, là. Mais sommes-nous à l'urgence? Allô? Allô? Oui, l'urgence, 9-1-9-1-9-1. Oui, j'ai un monsieur ici qui s'appelle Grégoire Manchot. Grégoire Manchot, connaissez-vous? Allô? Allô, oui, monsieur, allô? Allô? Oui, ça va bien, j'ai Grégoire, monsieur, est-ce que vous êtes Manchot? Allô? Tabarnay, wow. Est-ce que je suis au numéro d'urgence? Allô? Oui, allô. Monsieur, allô, allô, oui. Allô? OK, merci. On le sait que c'est un signe de courtoisie. Je suis très heureux là, de communiquer avec vous. Je vous connais pas. Je vous serre la main. C'est bien beau d'en profiter. Ça arrive juste une fois par année, mon cher. Mais là, il y a une urgence. Là. Il y a l'homme qui pompe. Et Gaétan qui veut pas pomper parce que, non, en fait, te faire bouche à bouche. C'est-à-dire, j'aime pas ça, mais... On sait pas qui c'est. Ben voyons donc, c'est notre opérateur. Sans lui, il n'y a pas d'émission. Là. Le fil, il pourra pas le couper, puis on pourra pas changer de musique. Là. C'est lui qui fait la mix. Il mixe. Il glisse les musiques. Il glisse les rencontres radiophoniques. Lui, Victoria, là, il m'a dit, hey, ça, c'est une voix radiophonique. Avant qu'il se retrouve à chercher son regard et son sens de vie. Où suis-je? Comme Woody Allen des temps modernes. Quoique Woody Allen, c'est très moderne, ça, là. En fait, c'est dans notre siècle, là. Il vit encore. Il réalise encore. Il vient de tourner avec Vanessa Paradis. Woody Allen, Vanessa Paradis, numéro 1. Voilà. Je veux voir ça en HD Digital Surround. J'ai mes lunettes HD. C'est pas en HD. Hey, Woody Allen en HD, ça serait bien! Ah, à Hollywood, on veut refaire des Star Wars. Je vais vous raconter une petite anecdote savoureuse avant de passer à la musique. Il y a quelques années. Le dernier, je sais, monsieur, je radote, je l'ai raconté il y a quelques années, mais il y a un public nouveau qui s'est greffé à nous, là. Stanley Kubrick réalisa son film posthume, Les yeux grands fermés, Eyes Wide Shut. Au même moment, et je dis bien au même moment, mettez de l'écho, c'est plus... Au même moment. Star Wars. Première génération, l'histoire, pourquoi ils étaient arrivés avec les vaisseaux. Oh, c'est moi, je suis Golmonak, là, l'homme du ténèbre. Et c'est moi. Je cherche la grenouille en or. Ben oui, c'est ça, mon crapaud. Continue à aller, j'ai le peuple. Oh non, moi, je vois là-dedans, herbe, il est démoniaque. Oui. Alors, il y avait deux premières à Québec cette année-là, cette semaine-là, cette journée-là. C'était Eyes Wide Shut de Kubrick et Star Wars de George Lucas. Qui? George Lucas. Qui ça? George Lucas. George Lucas. Paldo, Amanosto, Anarato. Je ne répète plus ce que je ne sais plus car je m'en souviens plus. Ça, c'est du latin première génération, comme Star Wars. Et donc, il y avait une filée de monde, il y avait. Nous étions à la queue leu-leu. Il y a quelqu'un qui est sorti de la salle, en fait, du complexe cinématographique pour nous dire, dans un haut-parleur, attention, les gens qui viennent voir le film de Stanley Kubrick, les yeux grands fermés, changez de rangée. Nous étions quatre à bifurquer pour aller voir Stanley Kubrick. C'est triste. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. J'ai des livres, j'garde la TV, puis des films en jogging. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique. Je suis rendu plate à mourir, je file mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir, je file mon cerveau ramollir. Personne, je vois pas la maison, sauf pour aller travailler. Tellement plus rien qui se passe. bah, de toute façon, je suis une telle merde en anglais. Ah, bravo. Et puis moi, je trouve qu'on a, bah, on a une jolie langue. Oui. Elle se chante. C'est pas, c'est pas hyper facile de la chanter. Parce que les consonants sont un tout petit peu moins aisées que l'anglais. Mais elle se chante. Et je trouve ça dommage que notre génération soit coupée de sa propre langue, alors que c'est de la poésie. Donc j'écris en français. En revanche, je ne compose pas du tout et je n'ai aucune note dans la tête. Ok. Même si je suis mélomane, mais c'est comme ça. Pour moi, je pense que c'est quelque chose que je respecte trop. Ok. Donc c'est voilà, c'est quelque chose que je laisse au ciel. Et c'est pas moi qui vais gérer ça. À des professionnels, à des voilà, gens qui vibrent et qui pensent. C'est-à-dire que moi, je vois pas comment une note peut arriver dans mon cerveau. En fait. Ok. Et toi, t'es beaucoup plus littéraire, donc tu vois les mots, tandis que entendre la musique. Alors, et c'est alors après, il faut que les mots sonnent quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un rythme. En fait, moi, j'ai écrit un texte et mon duo qui s'appelle Olivier, mais que j'appelle Banjo, qui s'appelle Olivier Urvois de Clomadieu. Je me suis dit, c'est beaucoup trop long sur une affiche. Et c'est Olivier comment? Urvois de Clomadeu. Non, mais votre groupe. Ah, ça s'appelle Vicky Banjo. Ok. Ah oui. Ah, c'est un petit quelque chose. Ben voilà, on a fait le Casino de Paris, le Trianon en première partie. Ok, première partie de qui? De François-Xavier de Maison. Ok, oui. Et d'Old Olaf. Ok, François-Xavier de Maison qui est un humoriste. Oui. Et en fait, c'est des chansons à tendance humoristique, mais qui parlent des nouveaux rapports hommes-femmes. C'est un peu grivois, c'est toujours... Impertinent. Et donc, ça parle des choses de la vie, de manière assez simple, du corps, des sentiments. C'est du Brassens 2012. Tout à coup, j'ai du mal à m'imaginer avec la moustache. Mais oui, pourquoi mais pas ça, mais c'est plus rock. Mais c'est, et donc, l'arrangement, parce qu'avant, on n'était que deux, maintenant, on est cinq. C'est un arrangement très rock. Mais on garde ce principe de chanson française dans les textes. Donc, c'est de la chanson française mixée avec du rock, en fait. Et moi, j'adore le disco. Donc là, on vient de faire un titre disco. J'adore le disco. Mais c'est pas ta génération? Pas du tout, mais ma mère m'a fait danser sur le disco toute mon enfance. Ok. Et donc là, j'ai tourné une série qui s'appelle Jim Queen, qui est complètement folle. Et en tant que comédienne, là, c'était la première fois que je jouais en fait. Et c'est une série sur le sport, mais décalée, c'est-à-dire comment faire du sport dans la vie quotidienne. Comment faire du sport quand on est assis à une terrasse de café, quand on est dans l'ascenseur. Alors là, je n'ai pas les exercices. Parce que je suis pas du tout sportive en revanche. Mais ils m'ont embauché alors que j'ai une chanson qui s'appelle J'aime pas le sport sur scène. Et je leur dis, vous savez que c'est pas une blague. C'est vrai. Bon, j'avais des courbatures après le casting, donc autant vous dire que... Ok, alors c'est pas vraiment ton... Non, c'est pas mon truc, mais c'est ça qui est drôle. C'est que, en gros, c'est une série qui est un mélange entre Mad Men, parce qu'il y a un esthétisme années 60-70, Jane Fonda. Oh, ok. Et, qui est encore extraordinaire. Ah bah ouais, elle est gaulée, elle. Non, mais elle est gaulée, c'est pas possible. Si je suis gaulée comme ça à son âge, je veux bien continuer. Mais je sais pas si c'est refait. Et Julie Ferrier. Ok, c'est un mélange entre ces trois... entre l'humour, le chic et le sport. Et donc, c'est Vicky Banjo qui a fait la musique. Et le studio Musine, parce que leur studio de son, il s'appelle Musine. Donc, c'est un mélange entre Vicky Banjo et Musine. Et on a fait un petit disco, qui est une sorte d'hommage à feu Donna Summer. Ah oui, oui. Et donc, après sa mort ou avant? Après sa mort. Okay. Ah oui, alors c'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Oui. Et là, on a fait l'ouverture des soldes aux Galeries Lafayette, parce que les soldes, c'est du sport. Oui. Ils ont pressé 400 CD. Est-ce que c'est leur adage, ça? Ouais, c'est ça. Alors, du coup, on était le concert le plus tôt du monde à 7h du matin. Enfin, c'est mais comment t'as pu faire? T'as pas dormi de la nuit pour être Non, je me suis dit non, parce que sinon, ça rentre pas dans le concert le plus tôt du monde si c'est un after. Je me suis dit, il faut que je dorme pour rentrer dans la bonne. À quelle heure tu t'es levé? 5h? Je me suis levé à 6h, ouais. Et ça, quand on fait du rock, il faut faire les balances un peu. Oh, mais tu t'es levé une heure avant de chanter? Bah ouais, donc j'avais... Et puis comment c'était? C'était très drôle. Ok. Bah c'était complètement fou, hein. Très drôle parce que t'étais pas encore tout à fait... C'est-à-dire que j'étais pas réveillée, donc c'est comme si on est bourré, c'est la même chose. Et là, à la fin, c'était les gens applaudissaient, ouais, puis c'est des gens qui attendent, en fait, pour aller... Soldes. Ouais, pour les soldes, c'est étonnant. Oui. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Maybe close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark.

une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera. Ouais, je la vois en si mineur. Parce que j'ai dit Simonac! Si je parle trop bas, ils vont s'endormir. Quoique je peux le prendre, là. Le ré bémol. Ré bémol. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons au séchoir, sans mettre de l'eau dans le bain, là. Parce qu'on sait que mon ami, Clo-Clo, il avait mis de l'eau dans son bain. Au téléphone, on lui a dit, pas de l'eau dans ton bain, l'eau dans ton vin. Parce qu'il était juste un homme avec un caractère assez féroce. Il voulait pas comprendre ce que les autres voulaient lui amener comme idée. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Son impresario l'a appelé quelques secondes avant. Puis il dit, Clo-Clo. Clo-Clo, c'est Regino Bolo, ton impresario. Celui qui est réglo avec toi, là, qui te dit les vérités, là. T'es un homme extraordinaire, ta carrière va très bien, tes chanteuses dansent bien, tes danseuses mangent bien. Hein? J'ai dit tes danseuses mangent bien. Oh oui, ils sont pas anorexiques, on les entretient, là. Elles sont comme le spaghetti al dente. Ouais, c'est la langue. C'est la langue de ses nous. Ouais, c'est ça, c'est elle dépasse. Mais là, tu vas la rentrer à l'intérieur si ça te dérange pas, Clo-Clo. Tu m'entends, ouais. Ouais, je sais, on n'a pas une communication bidirectionnelle, mon Clo-Clo. On peut pas t'entendre dans ton salon. Non, t'es en direct. Où t'es? Dans ta salle à manger? Dans ta salle à doucher? OK. Alors, Clo-Clo, je te demanderai quelque chose, là, ce soir, cette nuit. Mets de l'eau dans ton vin. Là, lui, « Ah, c'est bon, et ça revient, c'est une chanson que tu mets de l'eau dans ton bain. » Oui, voilà, oui, je dis rien, mais je mets de l'eau dans mon bain, oui. Il y en a pendant 30 secondes, au moins, oui, pour plonger une cheville. Un tas d'Achille, non, une cheville Robert. Il a une verrette, une chevillette, en tout cas un pied. Il plongeait le pied. Le coup de pied que je recevrai au visage si je ne. Oui, OK, d'accord, oui. Et, oui, des coups de goût, des coups. Mais qu'est-ce qu'il dit, guidou, guidou, guidou, guidou, guidou, hein, les guidis? La guidis. Oh, dit, guidou, guidou. Guidou, guidou, guidou. Oui, c'est Clo-Clo. J'ai mis de l'eau dans mon bain. Excuse-moi, là, j'ai pas le dit. Excuse-moi, je suis celui qui te forme ton monde à toi, là. J'ai pas le dit de mettre de l'eau dans ton bain. J'ai dit mettre de l'eau dans ton vin, Clo-Clo. Attends un peu, là, je me suis lavé les cheveux. Je vais embarquer dans mon bain, puis je vais ouvrir le séchoir. Clo-Clo, mais pas de séchoir. Clo-Clo, oui, là. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation Avel de blues. Avel de blues, quand t'es jalouse. Non, c'est j'ai pas dit Avel de blues, là. C'est ma langue qui a cherché à se fourcher. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Fil Ariane narratif. On se prend pas là-dedans, là. C'est pas un fil d'araignée. C'est pas un fil qui se cherche et qui veut se tricoter serré. Quoi que... Je peux dire que dans ma famille, là, on les tricotait serrés. On est bon, quand on pourrait mieux nous entendre. Oh là là, hey! Il y a Rosario, il y a Dirario, il y a Camelio, il y a Digestio, il y a Verrario, il y a Nanano, hein? Non, ça finit rapidement dans ce milieu-là, là, hein? Alors, c'est une finale incroyable. C'est du Coppola HD DVD payé avant d'entrer. J'ai déjà payé 35 $ de mails soufflés, de boissons graisseuses, parce que ça m'a glissé des doigts, c'est tombé par terre. La commis m'a dit, ce n'est pas un tort de laisser couler de la longévité. Je dis, c'est pas long, ça, là, mais c'est très long. C'est, oui, c'est du... c'est de la boisson gazeuse. Oui, oui, et puis? Ben, ça gaze. Oui. Ça va, toi? Ben oui, moi, ça gaze. Puis ta boisson aussi. OK. Alors, la meilleure... Là, les gens ont perdu le nord. Le moment s'évite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. La meilleure, c'est de mettre de l'écho, la meilleure façon de tuer un artiste est sûrement de lui donner tout ce qu'il a besoin. Pourquoi? Avant de vous dire de qui est cette phrase, cette citation, cette direction, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est parce qu'il y a Gaulois, ce qu'a voulu appeler avant, puis là, je l'ai retenu. Ça fait... J'aime pas ça quand ça se produit pendant l'émission. J'ai fermé mes cellules digitales, mes cellules rénaldiennes, hein, pour laisser juste un petit couloir. On appelle ça un tuyau. T'as-tu un tuyau, mon Jean-Marc? Oui, moi je dis galope dans la chaîne en troisième. Galope dans la chaîne en troisième? Voyons donc, elle a pas sorti hier. Elle n'a pas sorti, elle va sortir. Elle peut pas sortir! Écoute, Victoria m'a appelé, là. Victoria Bedos, là, elle connaît ça, elle. Elle dit, moi, les chevaux, je les maîtrise, c'est entre eux et moi, c'est une concomitance intellectuelle, le regard chevalin, je le connais plus, lui, c'est quoi, c'est son nouveau copain, mais non, chevalin, mon espèce de crotin, oh mon Dieu, c'est moi, c'est une petite merde, une toute petite, un croquis de crotin, oh, ça c'est le petit prince. Fais-moi un croquis de croquin. Non, c'est pas un croquis de croquin, c'est un croquis de crotin. OK, excuse-moi. Mon texte, pas bien pris. Oh. Action! Oh! C'est bon, c'est le petit prince. Oui, c'est moi. OK. Vas-y. OK. On ira. Action! Oh! Pourquoi ça n'a pas fait la même... Parce que on veut t'amener vers d'autres visions. OK. Quatrième prise. Non, c'est troisième prise. Allô, action! Oh! Dessine-moi un croquis de crotin. Alors, la meilleure façon de tuer un artiste est sûrement de lui donner tout ce qu'il a besoin. Puisqu'il ne cherchera pas à aller plus loin, il va s'arrêter à son confort. Qui dit confort, dit sommeil profond. Hey, c'est bon, ça. Je pensais, non, mais je croyais qu'il y avait gorge engourdie. Oui, ben oui, ça, c'est dégustateur de vin papal. Le papal, c'est un président. Mais non, c'est pas un président. Oui, c'est le président du catholicisme. Mais cette phrase, c'est de Henri Miller. Extrait du peintre, c'est aimer à nouveau. C'est pas un fou, Henri Miller. C'est un gars qui a vécu 10 000 nuits, 100 000 années dans une simple existence. comme Bukowski, comme Victoria Bedos. J'annonce une chef, le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elle vient. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. J'ai soufflé sur la braise pour qu'elle prenne. Cette page de nuit, ah non, ça n'est pas la dernière. Et qu'attends, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais. Me faire un tien bébé pour Noël. Et prendre son café. Réceptif ou le public aussi se réveillait en vous écoutant? Bah, c'est un peu, on se réveillait tous en même temps en fait. Okay. Hein, ah, c'est bon. C'était assez drôle. Ouais. Et lorsque vous faites des petits spectacles comme ça, est-ce que vous offrez vos CD? Est-ce que... Bah, là, c'était une sorte de plan marketing promotionnel. Donc, c'était avec le magazine B, les galeries Lafayette et June, la chaîne de télé qui est une chaîne Lagardère sur laquelle est diffusée la série, qui ont pressé des CD et ils donnaient les CD aux gens qui rentraient dans le titre disco. Donc, c'était super pour nous. Bah, c'est une belle carte. Ah, c'est super, ouais. Et puis, c'est eux en plus qui absorbent les coûts. Donc, exactement. Ça ne coûte absolument rien. Exactement. Vous vous levez à 6 heures, chanter à 7 heures. Pour nous, c'est tout bénef, en fait. Et on est en train de fusionner cette série et Vicky Banjo pour faire une sorte de double promotion. Ah ouais. Et sinon, j'écris des longs métrages. Moi, c'est mon métier. Enfin, je continue à écrire, donc, auteur. Mais pour le cinéma, je viens de terminer mon premier long métrage qui est produit. Qui maintenant on cherche un réal pour parce qu'ils veulent un gros casting et tout ça, et c'est sur des sourds à la campagne. Donc c'est encore... Ah, c'est un film drôle. Absurde. Absurde en mais fait. Mais le sujet t'est arrivé comment? Parce que l'assistante de mon père est une entendante dans une famille de sourds. Ses deux parents sont sourds et j'ai trouvé le sujet intéressant. Ses deux parents sont sourds? Ouais, et elle ne l'est pas. Ok. Et en fait, le sujet du film, c'est une jeune fille de 16 ans qui entend. Okay. Et ses deux parents sont sourds et elle se découvre une voix. Donc j'ai mélangé mon destin avec... Elle se découvre qu'elle aime chanter, qu'elle veut chanter, sauf que ses parents ne l'entendant pas s'opposent à sa lubie, qu'ils prennent pour une lubie, alors que c'est un vrai don. Okay. Mais c'est pour ça que c'est une comédie sensible. C'est un peu... Est-ce que tes parents regardent ce que tu fais? Ah, ouais. Et puis? Ah bah, ça dépend, parce que la chanson au départ, ils étaient un peu, ils disaient mais qu'est-ce qu'il te prend? Enfin, parce que ça m'a pris comme un spasme. Oh, oui. Et après, quand ils ont vu que sur scène, c'était fait pour... Enfin, je dis ça, c'était fait pour moi, c'est que j'ai l'impression d'être chez moi sur scène, parce que c'est un peu humoristique, je fais des impros entre les chansons. Ok, préparé. Bah, plus ou moins préparé, c'est okay. ce principe de l'impro, c'est-à-dire qu'on écrit la structure globale. Et ça dépend après, du public. Voilà, ça dépend du public. Et donc, j'adore ça, et c'est vrai que c'est un spectacle global, notre concert. C'est pas seulement un concert, c'est on raconte une histoire d'amour, c'est une sorte de comédie romantique. Un concept. Voilà, c'est une espèce de concept. Et du coup, ils ont vu ça. Au départ, comme les chansons sont un peu cul parfois, et tout ça, mon père, il dit, mais tu fais la pute, en fait, c'est pas possible. Non, mais lui aussi, il est hautain. Hein? Comment? Lui aussi, il est hautain. Oui, mais moi, je suis une fille. Ah, oh, ok, il est dans... Oui, ok. Non, mais voilà, je suis sa dernière. Ah, oui, okay, okay. Il y a un côté, il pense que je suis vierge. Bon, maintenant, c'est fini, il adore. Est-ce qu'il le sait? Que je ne suis plus vierge. Oui. Okay. Ça a été compliqué à lui raconter. Bon, je crois qu'il le sait. Mais c'est un sujet tabou. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'un père peut s'imaginer que sa non. fille. Aucun père. Je crois que c'est horrible. Ok. Non, mais de s'imaginer que sa fille a pu faire quelque chose de. Mais si, parce que là, tu me dis qu'il ne le sait pas. Tu crois qu'il ne le sait pas, ok? Si, non. Ok, mais si. Il fait un déni. Ok, oui, c'est, exactement. Alors, ça sera la tombe 2. Mais si. Il te pose des questions, est-ce que tu vas aller assez loin pour lui dire qui, avec qui? Ah ben non, mais là, il a rencontré. Moi, j'ai un petit copain, il l'a rencontré. Okay. Hein, je fais les choses. C'est, ça au a fur et à mesure. Ouais, ça a été compliqué, mais celui-là, il l'aime bien, donc je suis assez okay. contente. Et il est sur scène avec moi, celui-là. C'est l'associé de Banjo, qui a le studio Musine, donc okay. on travaille tous ensemble. Okay, okay. Et il est guitariste aussi électrique dans le, okay, le groupe. Okay. Et fait les arrangements. Donc, moi, en fait, j'adore le principe de la troupe. Oui. Et ce que. C'est réconfortant aussi. Hein? C'est très réconfortant. Ah ouais, d'être c'est une fête. Ah ouais, j'adore. Okay. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un duo. C'est que moi, être seule sur scène, comme mon père d'ailleurs, ça me met insupportable. Okay. J'adore le partage, j'adore être plusieurs dans la loge, déconner, boire des coups avant. J'adore ça. Tu te sens appartenir à un groupe, à quelqu'un. Alors que le scénariste, c'est d'une grande solitude et que ça, ouais, me, rend, ouais. ça me rend triste, moi. Ok, ah oui. Bah, je sais écrire, je sais que je sais le faire et c'est mon métier. Je suis le chemin, je n'ai rien d'autre à faire, mais rien ne vient. J'attends le nez en l'air, je me tords pas les mains. On gagne, on bien l'opère, mais c'est plutôt rien. Je m'en irai tout à l'heure, je reviendrai demain. On ne sort pas du désert, on tourne sans fin. Le jour tombe et l'enfer n'est plus aussi lointain. Mais je ne suis pas amer, toujours on en revient. Et les blessures se ferment et attendent rien. Et les larmes s'en vont et c'est le même refrain. Et les blessures se ferment et attendent rien. Et les larmes s'en vont et c'est le même refrain. Thank you. le vent passe entre mes mains. C'est l'heure de la prière, mais rien ne vient. On finit par s'y faire avec un peu d'entrain. On sait bien que nos misères ne prennent jamais fin, jamais fin. Attends, n'est rien, et les larmes sont là, mais c'est le même refrain. Et les blessures se ferment, et attends, n'est rien, et les larmes sont là, mais c'est le même le même refrain, le même, le même refrain, le même, le même, le même, le même, le même, le même, le même refrain, le même refrain, le même refrain, le même refrain, le même, le même, le même, le même. Je suis le chemin, je n'ai rien d'autre à faire, mais rien ne vient. Dans tes classes de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classes de lycée, y a du sang et y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirées qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Des diabolos mentent quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classes de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. I saw what I had to, formation? Non. J'ai appris le scénario, comme c'est très technique. J'ai co-écrit le scénario avec quelqu'un qui avait une formation. OK. Et qui m'a appris, en fait. J'ai appris sur le tas. OK. Mais t'es quand même très jeune. Mais non, mais j'ai 29 ans maintenant. Oui, c'est ça. Mais c'est très jeune. Oui, j'ai fait beaucoup de fêtes. J'ai 29 ans maintenant, oui. Oui, mais non, mais je me sens un peu... Je me sens moins fraîche, mais... OK. Oh. Non, mais c'est parce que j'ai travaillé très jeune. OK. J'ai commencé... En fait, là, très vite, les études, bizarrement, alors que j'étais faite pour ça, j'avais un an d'avance, je devais faire Sciences Po, Léna, machin. Très vite, je me suis dit, j'aime la vie au sens concret du terme, et j'ai envie de bosser. Je comprenais pas comment je pouvais rester dans des amphithéâtres à ne rien faire. Je ne servais à rien pour la société, rien à moi. Enfin bon, je trouvais pas mon sens. Donc j'ai commencé à bosser à 19 ans. J'étais dans les pays de l'Est pour faire ces documentaires sur la musique classique. Et j'ai jamais arrêté de travailler depuis. Est-ce que ton père a été une ouverture vers ce que tu as fait Après, je pense que notre éducation à mon frère et à moi a été vers ça, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les chiens ne font pas des chats. Oui. Donc, même si j'ai essayé, moi, au départ, je voulais vraiment me positionner différemment. Je voulais être véto, je voulais travailler avec les animaux. J'étais une grande cavalière, donc je voulais faire du cheval. Et puis, ça m'a rattrapée. C'est-à-dire que c'est un pur atavisme. Je ne voulais pas écrire et un jour je me suis mis à mon ordinateur, je me suis mise à écrire, je suis fait chier. Ah non, ça y est, ça m'est tombé dessus. Mais tu comme une malédiction. Oui, quoi. C'est ça, oui. Oh non, je vais faire comme papa. Ah comme non, papa. Zut. Okay, oui, oui. Et mais... après je me suis dit, mince, en plus c'est drôle. Oh, fais chier, putain, je suis même pas dans le drame. Et en plus je suis bonne. C'est ça, c'est ça le drame. Je peux pas être. Bon, après chacun a son univers. C'est-à-dire que moi j'ai un ton qui n'est pas du tout celui de mon père. Parce que je suis une gonzesse, donc j'apporte le côté féminin en plus. Donc vraiment, moi j'ai aucun problème avec ça. Ok. J'ai pas de... Parce que je suis la seule à chanter. Et donc, ça c'est mon truc à moi. Quoi qu'il a fait quelques chansons, mais ça n'a rien à voir. Oui, plus. Voilà, ouais, ça n'a rien à voir. Et puis, mon père a pas du tout de problème avec... on a une relation hyper saine. Mais peut-être parce que je suis sa dernière. Ok, oui. Qu'on a quelque chose de très léger entre nous. Il n'y a aucune tension par rapport à ça, en fait. Il t'a eu assez tard quand même. Ah bah oui, à 50 ans. Ah oui, ok. Donc du coup, pour moi, ce qui est assez bien, parce que du coup, il était rassuré, il a pu assumer une paternité tout en étant rassuré professionnellement. En fait, avoir un père comme ça, c'est... Mais ce qu'il déçoit, c'est d'avoir été absent comme père. Un peu. Alors, il était très présent par le téléphone et par l'écrit. On a eu une correspondance, c'est pour ça que l'écrit était très présent. Il me laissait des mots sur ma porte et ça. Mais oui, en décalage par excellence, parce que quand il rentrait de son spectacle, je dormais. Ouais. Et lui, il se réveillait. Enfin bon. Mais c'est marrant, j'ai pas l'image d'un père très absent, parce que à partir du moment... Parce qu'il y a des pères qui sont là tous les soirs et qui sont très absents. Oui. Après, ça dépend comment on gère son absence. Oh, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai été habituée à avoir un père en tournée, c'est comme ça. Mais tu voyais aussi à travers ses écrits, à travers ses petits mots. Je l'avais au téléphone tout le temps. Non, il est très là, puis il suit tout, il lit tout ce que je fais. C'est super. Mais c'est pas un peu non, parce que... Pour Léliane de la résidence des Aubépines. Quand je serai vieux, je serai immature. Je ferai tout ce que je sais pour faire suer. Je serai plus enflé que les enflures, plus gonflant que les gonflés, dur de la comprenette, j'en rajouterai des louchés. Ce sera chouette à la maison de retraite, je serai le dernier couché. Quand je serai vieux, je serai pas précoce. Je prendrai tout mon temps pour canner. Ça gavera mes femmes et mes gosses. À la nouvelle année, je leur jouerai de la trompette, des petites chansons surannées. Ce sera chouette à la maison de retraite, ça me fera bien ricaner. Hop. Je recracherai mes Lexomiles et les revendrai au marché noir pour aller picoler en ville samedi faire un tour au square, voir des frangines gérontophiles, mais néanmoins reconnues du tulité public fort utile, pas remboursé par la sécu si la vie ne tient qu'à un fil. Mon cœur est asséché dessus et le temps perdu nous enfile, sitôt on a tourné le cul. Quand je serai vieux, je serai pas commode.